pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Transaction majeure chez les Saguenayens de Chicoutimi, Jermaine Rutsoff s'en va au Titan de Caddy Batters en retour de deux joueurs et également trois choix au repêchage. Yannick Jean était de passage sur les ondes de CKJ où il a expliqué cette transaction. Donc on écoute l'entretien du pilote des Saguenayens avec Michel Thibault. Jermaine Rutsoff aujourd'hui. Pour avoir plus de détails, on va jaser avec le directeur général des Sags, Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, peux-tu nous confirmer, nous dire quelle est la transaction complète pour German Rupsoff? Ben, la transaction, c'est Rupsoff et un choix de deuxième ronde en 2020 qui est cédé au Titan de Caddy Batters en retour de Christopher Farmer, prospect midget qui vient d'être repêché par le Titan au dernier repêchage. Vladimir Kuznetsov qui a marqué 35 buts avec le Titan l'an dernier, mais qui est en Russie au moment où on se parle. Et un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et un choix de troisième ronde au repêchage de 2020. Ce que j'ai eu de la difficulté à comprendre ce matin, on n'est pas en période de transaction. Alors, pourquoi il y a eu un échange aujourd'hui? C'est les joueurs européens. Tu peux échanger les joueurs européens à tout moment. Tu peux échanger aussi les joueurs de 20 ans qui ne vont pas à l'école, dans des institutions, donc qui sont par correspondance à tout moment. C'est les deux seules exceptions. Le départ de Rupsoff, l'échange d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut en déduire, est-ce qu'on peut en conclure, Yannick, que les Sags seront vendeurs dans les prochaines semaines? Ben, dans les prochaines semaines, pas nécessairement. Je pense qu'il fallait commencer par faire une transaction pour améliorer la profondeur de notre organisation à long terme, à moyen terme et à long terme. On est allé chercher beaucoup de choses là-dedans qui nous convient. On a amélioré notre club l'an dernier à peur des transactions. Puis juste échanger Rupsoff, ça nous permettait de récupérer là, en majeure partie qu'est-ce qu'on avait payé. Donc, c'était une transaction qui était extrêmement importante pour le futur de notre organisation. Le fait que Rupsoff connaît un début de saison difficile dans l'uniforme des Sags, est-ce que c'est ça qui t'a décidé de l'échanger? Non, pas nécessairement. Je pense, par contre, que ils vont avoir de meilleurs moments lorsqu'il va arriver là-bas. On sait là, comment il avait été lorsqu'il avait joué ici l'an dernier, là, aux côtés de Nicolas Roy puis aux côtés de Joey Ratel. Je pense que le fait de s'en aller à Batters, là, de jouer avec des joueurs différemment, un peu comme des joueurs qu'il avait ici l'an dernier, je pense que ça va être bénéfique pour lui. Mais tu sais, il avait l'air d'un joueur qui était en attente de quelque chose de se produire. Il avait peut-être des doutes par rapport à son futur, mais tu sais, on est convaincu quand même là, qu'il va aider le Titan. German Rupsoff est échangé pour trois choix de repêchage. Ça, c'est l'avenir qui va nous dire qui seront ces trois joueurs. Maintenant, Vladimir Kuznetsov, peux-tu nous en parler un petit peu plus? Est-ce que lui, il y a des possibilités que l'on le voit dans l'uniforme des Sags? Ben, c'est un gros ailier qui a marqué beaucoup de buts dans notre ligue l'an dernier. Par contre, il est sous contrat en Russie encore. Le jeune avait fait part là, au Titan son vouloir de s'en venir en Amérique du Nord dans les dernières semaines. Avait de la difficulté par rapport à son contrat. Le Titan n'était pas capable d'attendre dans la situation où est-ce qu'ils sont. Donc, de notre côté, nous, la situation où est-ce qu'on est, on est capable là, d'attendre là, peut-être quelques semaines pour essayer de peut-être de voir si ce joueur-là peut finir par entrer ici, par arriver ici. Sinon, c'est un casier pour un joueur de 20 ans, pour un joueur européen qui est disponible. Donc, on échange Rupsoff, mais on va travailler très fort dans les prochaines semaines pour entrer un autre joueur européen dans notre équipe, ce qui ferait en sorte que on aurait amassé toutes ces valeurs-là sur le marché, puis en plus de ça, on n'affaiblirait pas trop notre équipe. C'est quand même assez rare qu'une transaction survienne comme ça début novembre, presque en début de saison. Est-ce que ça faisait quand même longtemps que ça mijotait cette transaction-là, que les discussions étaient entamées avec le Titan? Depuis cet été. Ah oui? Depuis cet été. Par contre, il y avait plein de facteurs. Le fait que est-ce que Roussel va être de retour premièrement dans le junior? Mm-hmm. Deuxième des choses, est-ce que Kuznetsov aurait pu revenir là, en début de saison tôt chez Titan? C'est plein de choses là, de ce côté-là qui ont fait en sorte qu'il y avait des discussions, mais les discussions n'étaient pas nécessairement concrètes là, pour le moment présent. Tu nous as bien identifié, Kuznetsov. On aura la chance peut-être de le voir à Chicoutimi. Maintenant, le jeune Christopher Farmer, c'est un 16 ans. Lui, il joue Midget 3. Peux-tu nous en dire un peu plus sur lui? C'est un joueur de talent. C'est un joueur offensif. On avait remodelé notre brigade défensive en repêchant 3 défenseurs dans les 4 premières rondes. On avait seulement repêché 2 attaquants en 4e ronde. C'est un joueur qu'on aimait beaucoup au dernier repêchage. On avait fait une transaction tôt en 4e ronde pour échanger notre premier choix de 4e ronde pour 2 autres choix de 4e ronde un petit peu plus loin. C'était le joueur qu'on visait, puis en fin de compte, il avait été repêché par le Titan. On l'avait comme pas perdu, mais on n'avait pas les gardes de le repêcher, même si on l'aimait beaucoup. Nos dépisteurs, on l'aime là, depuis un petit peu plus d'un an dans le midget 3. Donc, on va laisser continuer son midget. On va voir où est-ce que ça va nous mener dans son cas. Mais c'est un prospect. C'est un prospect offensif. Yannick Jean, merci beaucoup. Et puis, on se reparle bientôt.